On va parler de football. Ça fait longtemps que je cours après, parce que mais là, je suis content de l'avoir. Gros merci à François Laberge également, qui a travaillé fort pour avoir le joueur que c'est quand même assez rare que ça arrive, un des nôtres qui s'en va jouer un match au stade des Cowboys de Dallas et dans le cadre de l'International Ball. C'est Philippe Lavoie. Question de savoir un peu comment il a trouvé ça. On lui parle. Salut Philippe. Salut. Philippe, comment t'as trouvé ton expérience? Ah, c'est sûr que le stade était vraiment gros là. C'était vraiment le fun de jouer là. OK. Puis j'ai bien aimé ça. J'ai eu quand même un bon match là. OK. Dis-moi, comment c'est arrivé durant la semaine de préparation? Je sais que j'ai parlé avec ta mère par Facebook. Je pense que vous êtes même arrivé une semaine d'avance. Hein? C'était quoi ta semaine? On est arrivé une semaine à l'avance. On avait 4 pratiques avant le match. C'était pas gros, là, mais c'est ça. On a eu 4 pratiques avant le match. Puis le vendredi, on a joué le match. OK, OK. Dis-moi, pour te promener dans le vestiaire des Cowboys de Dallas, c'est quoi le feeling? Tu disais, je suis au stade. On était dans le vestiaire des visiteurs, là, mais c'est sûr que c'était vraiment gros, là, puis c'est tout est big, là. Le stade, c'est incroyable, là. OK, OK. C'est fou. On me dit que tu as joué un bon match, mais malgré une défaite, je pense que c'est soldé 44-7. Par ouais, le Canada. Quelque chose comme ça, 47 à 7, je pense. Ouais. 47 à 7, effectivement. Donc, est-ce que tu as eu des suites à ça? Est-ce qu'on t'a appelé? Est-ce que tu as eu des nouvelles de certains recruteurs? Comment ça s'est passé? Non, mais j'ai pas eu de. Parce que c'est pas un événement pour le recrutement. Il y avait les coachs universitaires de notre pays, tout ça. Ouais. Mais ils ont pas le droit de recruter. Non, mais je veux dire, ils peuvent quand même t'approcher puis te voir comment. Ils peuvent quand même te dire que c'était un bon match, sur quoi tu peux travailler. Ouais, non, c'est sûr, mais les entraîneurs. T'sais, mon entraîneur, il m'a dit que j'ai eu un bon match à la fin puis il était content de moi. Là. J'étais content. Là. OK. Donc, c'était ça. Dis-moi, par le passé, le Canada a déjà battu les Américains. Là cette année, ça n'a pas été facile, mais mais cette année, il y avait gros des five stars, là, c'est des meilleurs joueurs au pays. Là. Je pense qu'il y avait un garde, c'était le meilleur garde au pays, mais c'était vraiment, les joueurs étaient vraiment forts. Là. OK. Oh, tu vas pas te vanter et te dire que si tu vois un joueur qui devient une vedette dans la NFL, peu importe ce qui t'arrive dans ta carrière, tu vas pouvoir dire que tu as joué un match contre lui. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Philippe, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que tu considères comme un meilleur joueur? Ouais, c'est sûr que oui, c'est une bonne expérience. Tu sais, les coachs là-bas, c'est sûr que j'ai appris des trucs, puis je vais mettre ça en application pour ma saison collégiale, c'est sûr. OK, OK. Philippe, tu as un autre joueur également qui s'en vient avec un autre compatriote de Saint-Jean d'Arc, Marc-Antoine Robert. Il va avoir pas mal de joueurs de Saint-Jean d'Arc. Es-tu content quand même de son acquisition? Oui. On me dit que c'est tout un joueur de football, là. Oui, c'est une grosse acquisition qu'on a faite. On est content de l'avoir. C'est un joueur qui aurait pu jouer D1 facilement. Là. Ben, t'sais, peut-être pas sa première année, mais je veux dire, il aurait pu, mettons, finir par starter en division 1. Okay. C'est sûr qu'on est. On est très content de l'avoir. Okay. Ben Philippe, félicitations. C'est pas mal le fun que qu'un des nôtres, peu importe ce qui arrive, tu vas pouvoir dire que tu as joué au stade des Cowboys de Dallas. C'est juste le fait d'avoir joué là, ben ça vaut la peine d'en parler. Puis félicitations, puis bravo. Ah, merci. Philippe Lavoie de Saint-Jean d'Arc qui a joué pour l'équipe Canada il y a quelques semaines au stade des Cowboys de Dallas.